Chapitre 2e. Un honnête homme, rien n'est plus beau. Pourquoi faut-il avoir à dire que rien n'est plus rare? Après les obsèques de son maître, l'intendant ouvrit la cassette. C'était un droit qu'on lui avait donné. Il décacheta le paquet mystérieux. C'était un abus de confiance dont il se rendait coupable. En parcourant le contenu de ce dossier, il y voyait que les deux orphelines du comte n'avaient d'autre titre attestant leur parenté avec lui que ses papiers mêmes. Le paquet brûlé, il ne devait plus être question d'elle. Il faut croire qu'un génie infernal s'était penché à l'oreille de l'intendant pour lui souffler l'expression de cette pensée criminelle. « J'ai juré, je le sais bien, » disait Robert Candal. « Mais je n'avais pas une liberté suffisante pour refuser, si ma conscience m'eût commandé de le faire. Qu'est-ce qu'un serment fait sans que celui qu'il prononce soit libre? En bonne conscience, il est dénué de toute vertu. Voilà pour le premier point. En ce qui touche les deux jeunes filles, les deux orphelines, il y a aussi beaucoup à dire. Avant tout, sont-elles bien les enfants du comte de Chavigny? La chose peut être considérée comme étant plus que douteuse, puisqu'il les écartait de sa personne et qu'il ne s'est jamais révélé à elle. Autre considération, si je pousse les choses au pire, si j'admets que ces deux filles sont les enfants de l'ancien conseiller, je dois convenir aussi que leur situation n'a rien qui puisse faire naître la commisération, puisque d'une part, elles ne connaissent pas l'éclat de leur origine, et que d'autre part, elles sont élevées avec distinction dans une maison religieuse de Nantes, et l'on pourvoit à tout ce qui leur est nécessaire. Ces réflexions, dictées par la mauvaise foi et par la cupidité, achevaient de lever les derniers scrupules du serviteur infidèle. « Allons, voilà qui est convenu, » s'écria-t-il, « les papiers mystérieux disparaîtront. » Il ne se donna pas même la peine de lire le petit paquet qui se trouvait dans la cassette d'ébène, et comme un grand feu de cheminée brûlait dans l'âtre, il jeta la liasse de papier entre deux tisons. « Me voilà riche, » pensa-t-il. Une légende hébraïque assure que sur le moment même où un homme vient de tuer son semblable, Caïn, le premier meurtrier, lui apparaît avec sa tache de sang au front et lui crie « mon frère, tu es avec moi !» Robert Candal éprouvait quelque chose de pareil. En faisant brûler les titres que lui avait confiés un mourant pour s'emparer de sa fortune, il commettait plus qu'un vol. Il se rendait coupable d'un sacrilège comparable à un double assassinat. Dès ce moment même, il appartenait au crime et au remords. « Qu'importe les nuits blanches et le souvenir du comte, » se disait l'intendant infidèle. « Il faut que mes deux fils fassent figure dans le monde. » Robert Candal, en effet, avait deux fils. L'idée de les substituer aux deux filles de l'ancien conseiller au Parlement de Paris lui était vite venue. On se rappelle la lettre que Léon le Boutillier avait écrite à son lit de mort 2 heures avant de cesser d'exister. C'était la seule pièce de son maître que l'intendant eût conservée. Au bout d'un mois, il faisait le voyage de Paris. Très adroit et très actif, il parvenait à faire remettre cette supplique au roi. « Rendez sire aux héritiers du comte de Chavigny et leur titre et le rang qu'ils doivent occuper, » dit un courtisan qu'on avait gagné. « Léon le Boutillier a expié ses torts en mourant isolé et obscur au fond de ses terres. La colère de votre majesté est maintenant apaisée pour toujours. » Sur cette recommandation, Ludieu de Versailles s'était laissé fléchir. Ainsi, Louis XIV, qui croyait que la lettre posthume lui présentait les deux fils d'un ancien rebelle, consentit à oublier le passé. Le roi accueillait la demande de Robert Candal. « Mes fils sont hérités de Chavigny, » disait-il. Sans examen et sans retard, il fit venir à la cour ces deux jeunes gens qui avaient pris le nom de Chavigny. Un matin que le prince était de belle humeur, il fit l'aîné Guidon de gendarmerie, ce qui était une grande faveur. « Il a bonne mine, il réussira, » disait le roi. Pour ce qui était du plus jeune qui était prêtre, il le pourvut d'une excellente abbaye. Louis XIV ne s'était pas trompé. Le Guidon Chavigny avait beaucoup de succès dans le monde de Versailles et de Paris par ses belles manières, par son air distingué et par la finesse de son esprit. Quant à l'abbé, son frère, à cause de son intelligence moins développée, il était complètement oublié. « Eh ! » lui disait-on, « que faites-vous, monsieur l'abbé ? Je me promène, je lis mon bréviaire, je déjeune, je dîne et je soupe. Passé cela, je touche les arrérages de mon bénéfice, c'est tout. Que Dieu vous ait en sa sainte et digne garde. Merci. » La justice éternelle ne perd jamais ses droits. Robert Candal ne jouissait pas, à beaucoup près, d'une position si heureuse ni si calme. On sait ses craintes, ses nocturnes terreurs, le souvenir persistant de sa fourberie. Mon Dieu, Il ressemblait à tous les scélérats de tous les temps. Il tremblait chaque jour que la fraude ne fût découverte. Quand il rencontrait par hasard dans les rues de Paris l'équipage du roi, il n'était pas maître de sa frayeur. Il envisageait tout ce qu'il avait fait et les conséquences de sa conduite. Ce n'était pas assez de manquer à ma parole, ce n'était pas assez de frustrer deux orphelins, ce n'était pas assez de faire passer la fortune du comte de Chavigny entre les mains de mes deux fils. J'ai en outre trompé la religion de Louis XIV. Dieu sait quelle peine terrible me serait réservée si je venais à être découvert. On était justement à l'époque où le marquis abbé de Choisy, de si étrange figure, venait d'être nommé ambassadeur de Siam. Il cherchait des gens de résolution qui consentissent à l'accompagner dans son long voyage en Asie. Soit remords, soit frayeur, le vieux Robert Candal se proposa comme devant faire partie de l'ambassade. « La France me pèse, j'ai besoin de changer d'air », pensait l'ex-intendant. Il fut accepté. « C'est un homme de bon conseil, une tête pleine d'expérience », disait le nouveau pénipotentiaire. « Je n'hésite pas à l'emmener avec moi. » Robert Candal fit ses adieux à ses fils. « Je ne sais si nous nous reverrons, mes enfants, tâchez de vivre en honnêtes gens. » À 6 mois de là, au moment où l'ambassade abordait sur la plage enchantée et fleurie de Malacca, l'ancien intendant, descendant du navire principal dans une chaloupe, tomba dans la mer et se noya. On prétend que tout en chavirant, il prononça des paroles sans suite, parmi lesquelles on remarquait celles que voici. « Mon serment, la cassette d'ébène, mes deux fils. » À 1 an de là, au retour de l'habit de Choisy, les deux frères, ou si vous voulez, les deux faux Chavigny, apprirent qu'ils étaient orphelins. Il ne leur était point possible de se constituer héritiers directs de leur père, sans trahir le secret de leur naissance. Cependant, il y avait une belle fortune d'intendant à recueillir. Il y aurait eu peut-être aussi quelques châtiments à endurer. N'était-il pas complice de la fraude? Dans tous les cas, l'orgueil l'emporta sur l'intérêt, et ils laissèrent les collatéraux de Robert Candal se partager les 10 000 écus de rente, somme énorme pour le temps. Où le doigt de Dieu ne va-t-il pas chercher les coupables quand il veut les trouver? La prise de possession de cet héritage mit forcément au jour tous les papiers de famille, et les magistrats découvrirent qu'il n'était pas justifié du décès de 2 enfants de Robert Candal. On fit l'observation qu'il manquait sans motif à l'appel du notaire. Où sont-ils? Où peuvent-ils être? Se demandait la justice. On fit d'actives recherches dans tous les lieux qu'ils avaient habités pendant leur enfance. Une enquête fut surtout ouverte au château des Avelines et dans ses alentours. Ces investigations firent naître de graves soupçons dans l'esprit du magistrat instructeur. « Je crains d'entrevoir toute une sombre aventure, » dit ce dernier. « Mon devoir avant tout. J'en aurai le cœur net, cherchant sans relâche. » Après 3 mois de procès-verbaux, de voyages, d'auditions de témoins, le résultat de l'enquête faite par le lieutenant civil amena la découverte de la vérité. On avait entendu les deux frères eux-mêmes, et comme on dit vulgairement, ils s'étaient coupés, c'est-à-dire contredits. « Je tiens les coupables », avait dit le lieutenant civil. Le roi reconnut qu'il avait été indignement trompé. On sait que la chose était grave avec un souverain tel que Louis XIV. Mais M. de Chavigny, le guidon de gendarmerie, avait déjà su se faire à la cour de puissants protecteurs. Il avait été question d'abord de l'enfermer pour le restant de ses jours dans une prison d'État. Mais on excusa sa jeunesse et son frère et lui en furent quittes pour une disgrâce. On les destitua avec ordre de quitter au plus vite le royaume, comme deux grands seigneurs qu'ils n'étaient pas. « Où faut-il aller, mon frère ?» demanda l'abbé à l'officier. « Je ne vois qu'un pays où on le soit l'abri des poursuites de la France, » répondit le soldat. « C'est la Hollande. Allons donc en Hollande, » répondit le bénéficiaire. Il partit en effet, après avoir fait une masse des ressources qu'il leur avait été possible de rassembler. Mais ces ressources étaient cependant peu de choses. 8 jours après être entré dans les Provinces-Unies, le faux abbé, que cette humiliante retraite avait singulièrement agité, mourait d'une indigestion. « Mais voilà seul le monde !» se dit l'ex-guidon après avoir fait inhumer son frère. « Eh bien, je veux tenir tête à la mauvaise fortune. À quoi sert-il de se faire de la bile? Où cela conduit-il de voir tout en noir les choses de la vie? L'orage ne dure pas toujours. Un caprice du roi m'exile, le roi, mieux renseigné, me rappellera. »